Mes parents me fouettent un titre, mais quand on me quand ils trophite, mais tu fiches que la tienne en calme, quelque chose le t'est fait de moi. Quand je balade en tous tristesse, mon vieux tennis c'est la QS, j'ai pris que le temps s'accélère, tu fraîches pour être du foot en l'air. Quelque chose dans mon corps ne parle de ma vie. On traque un mystère qui commence, il enfonce qui finit. Quelque chose dans mon corps fait craquer ma vie. Entre ton vie et la patience, il n'a pas que j'oublie. Qui je suis? Qui je suis? Juste avec le doute de la terre, devenir un autre avec avenir, écrire avec une écriture, mais pas sur ce que sur les murs. Tu sais mon mot que j'ai vu dans tes films de monde. Et tu vas gagner pour la haine, pour être ton niche de ma mère. Quelque chose dans mon cœur ne parle de ma vie. On traite comme mystère qui commence, il enfonce qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie. Entre ton vie et la patience, il n'a pas que j'oublie. Qui je suis? Ne pas de ma vie. bataille comme mystère qui commence. Il enfonce qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie. Un tour d'envie inapacieuse. Il n'a pas que j'oublie.